poubelle qui ouvre les bras, appelle papa. Je gesticule sous ma couette, trace des cercles dans ma tête, dessine des moutons girouettes qui ne s'endorment pas, qui me rendent gaga. Oh, je ne dors pas, ça me fatigue. Je n'en reviens pas, mais j'arrive devant l'Éternel qui d'un geste solennel